Voici l'humeur de Guillermo Guiz. Ça va les amigos? Ouais. Ok, je suis pour une bonne anecdote. Moi, ouais. Ça tombe bien, c'est moi qui écris mon texte. Alors, anecdote. Il y a 3 semaines, j'étais avec Thomas VTV. On est ici présent, on était dans le train, on parlait de Guillaume Meurice. Je me rappelle, il disait, ouais, tu sais que Meurice, c'est pas que l'immobilier au Cap Ferret, c'est aussi des business au Qatar, hein, holding au Luxembourg. Il m'a dit, tu sais que c'est un magnat du sucre. J'ai dit, oh putain, c'est un... je savais qu'il avait des plantations, mais de là, il c'est un tycoon. Bref, à ce moment-là, il y a un chien qui arrive dans le wagon-bar. Thomas, il aperçoit le chien. Mon Dieu, la pauvre bête. Sur ce que j'ai de plus cher, ça c'est vrai, c'est la première fois de ma vie que je voyais un humain sauter sur un chien. Vraiment, Thomas il l'a léché partout, il bavait dans ses yeux, tout le chien était terrorisé. Ah non, j'ai déjà quelqu'un dans ma vie, Dans un train, tu fais la même chose à un inconnu humain, tu prends 3 ans de fer, mais vraiment. Et... c'est vrai, Thomas il aime bien les chiens. Il aime bien les chiens, quelque part, on aime tous les chiens. J'en parlais avec un pote chinois qui me disait, mais tellement, j'ai une petite recette si t'aimes un tout petit peu manger épicé. Et, parce que oui, ça inter aussi, on fait aussi des blagues sur les chinois qui mangent des chiens. Oui. Alors qu'en réalité, est-ce que les chinois mangent majoritairement? C'est les cochons, figurez-vous, 56 millions de tonnes par an. Là-bas, les chiens, c'est plus un en cas, tu vois, vraiment. Alors qu'un cochon, c'est pas moins intelligent qu'un chien, en vérité. Hein. Tu sais quoi, un chien et un cochon, tu les fais jouer à bataille, ils vont manger les cartes, parce que c'est pas un jeu qui est adapté pour eux. Mais vraiment, le cochon, c'est vrai. Le cochon, c'est un animal social, c'est sensible, c'est malin, un cochon. Ils ont plein de points communs avec Sapiens. Les cochons, ils ont 44 dents, c'est que 2 de moins que Jean-Marc Morandini, tu vois. Vraiment. Et ils courent à 45 km/h, tu vois, comme Xavier Dupont de Ligonnès. Il y a un truc. Ils ont un odorat hyper. Hyper développés, ils peuvent reconnaître une personne à 100 mètres, rien qu'à l'odeur, ils sont là, Daniel, c'est toi, tonton Daniel. Regardez George Clooney par exemple, il se baladait en rue avec un petit cochon. Toutes les meufs disaient, oh le petit cochon. Et là c'était parti, what, it's me, le petit cochon, oh non, it's a misunderstanding, etc. Oh my name is George, qu'est-ce qu'il a pu fourrer avec cette technique. François Bayrou par exemple, il essaie la même chose, et il se balade tout le temps avec son zèbre, et chaque fois qu'il croise une fille, oh, vous pouvez le caresser, il s'appelle Christian, la fille fait, non merci, enfin, tu connais François. Enfin, en parlant de cochon l'autre jour, j'ai lisé un petit article qui disait qu'en Chine, 50% du cheptel risquait d'être décimé par la peste porcine africaine. Et je me rappelle, ça doit être beaucoup de cochons quand même. 50% du cheptel, il y a 26 millions de porcheries en Chine. Le virus se transmet de manière foudroyante. Je sais pas si vous êtes déjà dans une porcherie. Moi, je connais que les toilettes de France Inter, mais tout se transmet. Ça se transmet très vite. Hein. Franchement, moi, j'ai un peu de demeurant en moins, un peu de trapenard. C'est sûr, ça le titre. C'est terrible. Il fait ses titres tout seul. C'est la plus grosse épidémie animale de l'histoire. Et en Chine, il y a 5 millions de cochons qui en sont déjà morts ou qui vont mourir préventivement. Il y a une étude qui parle de 200 millions d'ici la fin de l'année. Il y a pas de vaccin, quoi. Et vous allez me dire, oui, enfin, de toute façon, quand t'es un cochon, vaccin, pas vaccin, malade, pas malade, au final, comment te dire, dans l'élevage industriel, c'est pas que les cochons qui sont pas infectés sont là, ah ben, on l'a échappé belle, à nous les petites anglaises. Hein. Non, tu vois, quand t'es un cochon, si tu consultes une voyante, il y a toujours un moment où elle va te faire, bah, je vois une assiette, du melon. Ouais, donc, et qu'on se me prenne pas du jambon, j'en ai mangé dans ma vie. Hein. Je crois que si tu empiles une par une toutes les tranches de jambon que j'ai mangé, t'arrives au 6e étage de Radio France, franchement, mais en l'occurrence, ils meurent pas, même pas au nom de la chiffonnade, c'est triste quoi. Et là, en Chine, pour compenser les pertes financières, il y a des producteurs qui sont en train de créer des cochons monstrueux de 500 kilos. Oh. C'est horrible. Le poids d'un ours blanc, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est horrible. C'est génial. Et là, je me suis imaginé dans un train à parler des liens quasi fraternels entre Guillaume Meurice et le roi des îles Caïmans et voir arriver un cochon de 500 kilos, lui sauter dessus et lécher comme Thomas VDB, parce que moi aussi j'aime bien les animaux. Et bonne émission, les amis. Merci. Guillaume Meurice. La bande originale.